Community Radio is KFAI, 90.3 FM HD Minneapolis, St. Paul. Online and archived at kfai.org. Radio without boundaries. Écoutez Fresh Air Radio Communautaire, KFAI 90.3 FM à Minneapolis, Saint-Paul et en ligne sur kfai.org. L'émission que vous écoutez est Bonjour Minnesota. You're listening to Fresh Air Community Radio, KFAI 90.3 FM in Minneapolis, Saint-Paul and streaming at kfai.org. The program you're listening to is Bonjour Minnesota. Eh ben bonsoir. Bonsoir. Bonsoir tout le monde. Bonsoir Freddy, bonsoir Adrien. Bonsoir Romain. Welcome to Bonjour Minnesota on KFAI Radio Without Boundaries. Woohoo! Woohoo! How are you guys? Good. Doing great. Yeah. Great. We're recording. We should mention it for the listeners. This is Saturday morning and we're recording for Tuesday 8 p.m. Tuesday night, like every week. And yes, and there is a lot that has been going on this week already. And that's coming up too, because it's Labor Day weekend. Yes. Yeah. Hopefully everybody has a day off. I'm lucky enough to have one, so it's going to be nice. I do. Kind of keep it on the down low here, but maybe visiting a bit with family and just things around. The weather should be okay, so... We'll see what the weekend brings. Yeah, hopefully. And one of the bad news that we got this morning, because we just woke up on it, is that one of the famous singer, she was really famous in France and in Belgium. She was a French-speaking singer, and is that Annie Cordy passed away at the age of 92. 92. She died yesterday. So that's very sad. Yeah. Very sad. Very sad because Annie Cordy. Very recently, she was still on stage, not as a singer, but as an actress on stage, a theater actress. Yeah. And even like I remember hearing her on the radio like a year or so ago, and she was still very sharp and funny, and she was still on, you know, acting. So yeah, she was in Bête de Seine, I guess. But yeah. I think what was unique with Annie Cordy and the reason why we're really doing a short tribute to her is because she was able to touch so many generations. Being 92, I know my parents knew her, and you know, it's really a lot of impact and joy she's been able to bring to the Francophone community there. Yeah, she started acting in movies like in 1952. But after that, she started to sing. And in 1974, she had this huge success called La Bonne du Curé. Mm-hmm. So how do we translate that? The priest's handmaid? The priest's maid. The priest's maid. Yes. And so it's comedy. And a lot of her songs were, in French, you would call her a fantaisiste. Yeah. Her very songs light. Were funny, and she would actually act her songs, and she would, you know, take the make accents. Faces and yes, and use accents. And you'll hear that because in La Bonne du Curé, that we're going to play in a few minutes, you can hear that she's using an accent, like a country accent. Je voudrais bien, mais je peux point. So, and when I grew up, I remember Annie Cordy was very popular. Yeah. So, yeah, there's going to be this song was very popular. She did like Tata Yo-Yo and Show Cacao. And and before that, she also had a very big success with Ça Ira Mieux Demain. It will. That we're going to play as well, because it's the type of songs that we really need right now. Yeah. Looking forward to the future, a better future. Yeah. So what's really cool too is that better tomorrow. Yeah. She came from Belgium and was really, I think, huge in France. And that speaks to the relationship of those two cultures and became really famous and unfortunately passed in the home of Valoris, which is in the south of France, close to Cannes. and she passed away at 92, as we mentioned, from a how do you call that, a malaise? Yeah, she suffered a cardiac arrest. The songs to come for Annie Cordy, the first one we're going to play is going to be Ça ira mieux demain. The second one will be La Bonne du Curé, and then Tata Yoyo. And Tata is short for Auntie. Yeah. Mm-hmm. Auntie, yeah. Auntie Yoyo. Yeah. And I'm not exactly sure what the Yoyo stands for. Do you guys know? Might be the shorthand for Yolande. Yolande, yep. Because one of my cousins was Lionel, and often we were calling him Yo-Yo, but I mean, he was a guy, so yeah, that could be Yolande. Mm-hmm. I'll dig. Yeah. Thank you. Answer that's a very important research project. I don't think I can pass the week without knowing about it. Yeah. Oh, no. All right. Okay. Well, let's play some music and... C'est parti, mon kiki. On y va. As we discuss, we're going to listen to three songs from Annie Cordy. The first one is Ça ira mieux demain, It'll get better tomorrow. Then La Bonne du Curé and Tata Yoyo. Je peux bien,

La Bonne du Curé, and Tata Yo-Yo. Programming on KFAI is supported by the French American Heritage Foundation of Minnesota, whose mission is to promote and cultivate the heritage of French language cultures. Learn about the many French American Heritage Foundation events and celebrations at fahfminn.org or on Facebook. Merci beaucoup. Now we're going to listen to Pierre-Paul Jacques. It's in one word. And the first song we're going to listen to is Triomphe de l'amour, Success of Love. Then Clark au pied, featuring Daddy Maury. Clarks are the brand of shoes that exist. So it's kind of a way to say, like, to be ready to travel. Then we're going to listen to Jeu de con, Stupid Game. Je préfère souvent les animaux que l'humanité. Je lis dans les yeux des mammifères un livre familier. Les Che Guevara des HLM ont tous mal fini. Je veux pas me détruire à la haine, donc je m'enroule un petit. En attendant les triomphes de l'amour, je me demande souvent c'est quand le match retour. Et je lève mon verre à tous mes faux amis en leur souhaitant que la vie leur sourit. Et je célèbre mes baby mothers. Qu'un grand soleil éclaire votre bonheur. Oh yes, à chaque attaque, à chaque attaque, à chaque attaque, à chaque attaque. Tu le connais ce petit garçon qui marche dans la guerre, en rêvant qu'il est dans un jardin sans bombe ni militaire. Il a glissé un livre d'école sous sa chemise. Dans le bruit des avions qui décollent, elle le paralyse. En attendant le triomphe de l'amour, il se demande souvent c'est quand le match retourne. Et je lève mon verre à tous mes faux amis en leur souhaitant que la vie leur sourit. Et je célèbre mes baby mothers. Qu'un grand soleil éclaire votre bonheur. Oh yes, à chaque attaque, à chaque attaque, à chaque attaque, à chaque attaque, qui l'attaque, oui qui l'attaque, oui qui l'attaque, à chaque attaque. Je dois aller à London pour Big or Black Queen. Je dois aller chez Clark pour un sponsoring. Je dois aller à London pour Big or Black Queen. Grandir à la cité, faire des séjours en prison, c'est pas une fierté, c'est un karma. Je peux tout affronter, j'ai mes Clarks au pied et la chaussette qui fouette la ganja. Mon papa n'était pas là pour m'acheter des habits. Mais voilà, voilà, voilà, mes Desert Boots et mon khaki. Everybody clocking, clocking to blow. The road boy them a flash it, flash it to blow. You know what? Dans ma tête y'a plus aucun doute. Quand j'ai mis 10 heures boot, personne peut me faire dévier de ma route. Je décolle avec tous mes ghetto youth. Mets tes bagages en soute. Là où j't'emmène personne ne s'échoue. Ne raconte pas de bêtises. Reste sérieux quand au pied tu as des wallabies. Check-moi tu vois aux hommes je ne fais pas la bise. Donne-moi de la ganja, je ne fume pas de bidis. Le pep se révolte c'est la crise. Everybody clocking, clocking to blow. Flash it, flash it to blow. Everybody clocking, clocking. suis tout glow. Partir à l'étranger pour découvrir le monde et savoir si c'est mieux là-bas. Je peux tout affronter, j'ai mes claques aux pieds et une jolie fille à mon bras. Je devais cross the river, arriver à London car il y avait que des claques là-bas. Chou, c'est pas des choses de flippette, c'est des chaussures de bon crabe. De toutes les couleurs, je les aime avec ou sans lacets. Y'a rien de meilleur pour un braqueur bien habillé. Everybody clapping, clapping to blow. The rude boy, they're my flashy, flashy to blow. Everybody clocking, clocking to blow. The rude boy, them a flash it, flash it to blow. Clacks aux pieds, j'ai mes clacks aux pieds. Clacks aux pieds, j'ai mes clacks aux pieds. À tout ce que je dis, vous dites clacks aux pieds. Quand je vais charbonner, je garde mes clacks aux pieds. Je sors de la boulangerie, j'ai mes clacks aux pieds. Quand on rentre dans la danse, on garde nos clacks aux pieds. J'ai pas le temps pour l'été, mais j'ai mes clacks aux pieds. Clacks aux pieds, j'ai mes clacks aux pieds. Je crois bien que j'ai gagné à ce jeu de con. Une histoire d'amour compliquée. Les menottes à la sortie de l'avion. C'est la quatrième fois que je bétonne. Pour de la merde comme d'habitude. Aux arrivants je fais pas le fanfaron. Je dis non à tous leurs cachetons. C'est de la merde à servitude. Je crois bien que j'ai gagné à ce jeu de con. Je finis en détention. Toi t'es tombé, toi t'es tombé. Ça t'attendait, ça t'attendait. Ça te pendait, ça te pendait au nez. Toi t'es tombé, toi t'es tombé. Ça t'attendait, ça t'attendait. Ça te pendait, ça te pendait au nez. Je parle pas, je dis pas qui je suis. Au bout d'une semaine, ils m'ont écrit. Ils m'ont reconnu sur leur turfu. J'ai pas demandé, j'ai pas manqué. Beaucoup de frères m'ont dépanné. En attendant que je sois réglé. Je crois bien que j'ai gagné à ce jeu de con. Je finis en détention. Toi t'es tombé, toi t'es tombé. Ça t'attendait, ça t'attendait. Ça te pendait, ça te pendait au nez. Toi t'es tombé, toi t'es tombé. Ça t'attendait, ça t'attendait. Ça te pendait, ça te pendait au nez. Je suis pas bandit, je suis chanteur. Y'a des tolards qui ont du cœur et de l'ingéniosité. Je crois bien que j'ai gagné à ce jeu de con. Une histoire d'amour compliquée. Toi t'es tombé, toi t'es tombé. Ça t'attendait, ça t'attendait. Ça te pendait, ça te pendait au nez. Toi t'es tombé, toi t'es tombé. Ça t'attendait, ça t'attendait. Ça te pendait, ça te pendait au nez. It was Pierre-Paul Jacques with Triomphe de l'amour, Clark au pied, featuring Daddy Maury, and Jeu de Con. The internet geeks at IP House are proud supporters of Fresh Air Community Radio. IP House provides internet hosting and access for your community, large or small. More information is available at iphouse.com. Hello, bonjour. This is Freddy Le Tite Ideal. Welcome to French and Francis radio show Therapy on KFAI.org. I am originally from Paris and now living in Minnesota. I wanted to play songs and bands that were influential in France. The styles will vary, going from electronica to rock. Feel free to send me feedback, frenchandfrancis@gmail.com. Now we're going to listen to some songs from the newest album from Julien Doré. The first song is L'île au lendemain, featuring Clara Luciani, The Island of Tomorrow. Then we're going to listen to Ami, our friend. And the third song is Bla Bla Bla, featuring Caballero and Jean Jass. Il reste quoi? Deux ou trois choses pour que tu rêves, pour que tu rêves. Il reste moi, c'est pas grand chose pour que t'espères, pour que t'espères. Ça ne sert à rien. On a coulé l'île au lendemain. Tout ça ne sert à rien. Tout ça ne sert à rien. On a coulé l'île au lendemain. Tout ça ne sert à rien. De où trois fois, j'ai pris la pause pour me déplaire, pour me déplaire. Dans les miroirs de ceux qui causent, au lieu de faire, au lieu de faire. Tout ça ne sert. Tout ce que tu détestes me ressemble bien à présent. Quel goût a le sexe de ce que tu fuyais avant? Le succès est une quête, mais il te faut bien du talent. Et tout ce qui me blesse, c'est la présence des absents. Ceux dont la faiblesse est de dormir à présent. Et tout ce qui me blesse peut s'éteindre avec le temps. Mais les amis sont lestes et s'envolent avec le vent. Mais les amis sont lestes et s'envolent avec le vent. Normal, 20 degrés en novembre. Julien Doré pour faire monter nos ventes. Arrête de te plaindre, la vie c'est une offrande. Tout ça je le sais déjà. Faut être poli, avoir du doigté. La femme c'est pas une imprimante 3D. Parfois c'est pas drôle, parfois c'est raté. Ça aussi je le sais déjà. Ministre, exil, fiscal. Maman, Ernie, fiscal. Le monde est une décharge, mais ça tu le sens déjà. Racontez-moi, racontez-moi quelque chose. Je ne sais pas, que je ne sais pas. Bla bla bla bla bla bla. Racontez-moi, racontez-moi quelque chose. Que je ne sais pas, que je ne sais pas. Bla bla bla bla bla bla. Pour sortir, sortir, tes enfants se droguent. Tes enfants se droguent. Pour dormir, dormir, tes parents se droguent. On a tous besoin d'un anti-stress pour zapper douleur et tristesse. Rien pour l'amour, tout pour le business. Tant mieux pour toi si tu vois la vie comme un Disney. Tant mieux pour toi. Les uns pleurent, les autres se tapent des barres. L'État veut me voler mes épargnes. On s'aime et puis on se sépare. Raconte-moi quelque chose que je sais pas. Racontez-moi, racontez-moi quelque chose que je ne sais pas, que je ne sais pas. Bla bla bla bla bla bla. Racontez-moi, racontez-moi quelque chose. Que je ne sais pas. Bla bla bla. J'aimerais changer les choses mais c'est comme ça. J'aimerais changer les choses mais c'est comme ça. J'aimerais changer les choses mais c'est comme ça. J'aimerais changer les choses mais c'est comme ça. La vie s'étire comme une chaussette que je ne porterai qu'une fois. Entre le chaos et la fête. Allez racontez-moi. Gigi Kaba racontez-moi. Où sont passées les promesses que l'on m'avait faites autrefois. Quelque chose. sais pas. Nanana. Racontez-moi, racontez-moi quelque chose que je ne sais pas, que je ne sais pas. Nanana. Racontez-moi, racontez-moi quelque chose que je ne sais pas, que je ne sais pas. Blablabla. Racontez-moi, racontez-moi quelque chose que je ne sais pas, que je ne sais pas. Blablabla. J'aimerais changer les choses, mais c'est comme ça. J'aimerais changer les choses, mais c'est comme ça. J'aimerais changer les choses, mais c'est comme ça. J'aimerais changer les choses, mais c'est comme ça. J'aimerais changer les choses, mais c'est comme ça. J'aimerais changer les choses, mais c'est comme ça. J'aimerais changer les choses, mais c'est comme ça. J'aimerais changer les choses, mais c'est comme ça. Racontez-moi. It was Julien Doré with Lille au lendemain, featuring Clara Luciani. Then Ami, and then Blah Blah Blah, featuring Caballero and Jean Jass. You're listening to Fresh Air Community Radio, KFAI, 90.3 FM in Minneapolis-Saint-Paul, and streaming at kfai.org. The program you're listening to is Bonjour Minnesota. Friday night opened the 46th American Film Festival in Deauville, in nice. Normandy. That's not too far from the D-Day landing beaches. And Deauville is called like the, you know, the American movie showcase in France. And I used to go to the festival 10 years in a row, and you can watch the movies and actually meet and see the directors, the actors, etc. Like Steven Spielberg, Tom Hanks, etc. But this year, because of the situation, there will be no guests. I mean, no movie stars, no directors. They're not going to come to Deauville and do the traditional press conferences and photo calls, etc. However, the audience may see and watch the movies with, of course, all the necessary sanitary precautions. And the jury this year that will have to actually elect the best independent films showed at the festival. So the president is Vanessa Paradis, and Adrien will talk to you about Vanessa Paradis in a few minutes. And actually this year, because it's such an odd year, the Deauville Film Festival kind of joined forces with the Annecy Film Festival and Cannes Film Festival, and they will not only show American movies. So there will be a movie from South Korea, and there will be some French movies. It's there's a selection of 100 movies total, which is much more than normal. And some movies will also, maybe all of them, I don't know, will be also accessible online. Okay. So, I think we should check it out and try to provide a link on our Facebook page if we can. Yes, and might still be with the same, because they are joining forces with Cannes. It might still be the one festival. You know, it's a YouTube channel that was created right before the Cannes Film Festival, on which you can actually access some movies, etc. Oh, cool! So, yeah, online. Yeah, and with Venice Film Festival as well. And for those of our listeners who don't know and who can see our picture on Facebook, the beach with the umbrellas behind me is the beach in Deauville. Now we're going to listen to Indochine, and it's a new best of from 2001 to 2021 with some new mix and remix and things like that. So the first song we're going to listen to is Mao Boy. Then we're going to listen to Le Grand Secret, featuring Melissa of Dermont. And the last song is Popstitute. We'll be right back.

So Vanessa is a musician, singer, songwriter, actress, and fashion model. She got famous thanks to her uncle, who was a record producer, and helped her to appear on the local television program, L'École des Fans, which was a talent show for child singers. Then she started her career with recording a first single in 1983 called La Magie des Surprises Parties. And that was not a great hit in the early 80s, but it really paved the way for the song with which she became internationally famous, Joe Le Taxi, in 1987. Thanks to that single that she was the number one in France for 11 weeks. Wow, at the age of 14. Yeah. It even made it to the UK. And then she pursued her career and, of course, was around, you know, worked with Lou Reed, Serge Gainsbourg. And then in the 90s, she moved to the United States and she worked with Lenny Kravitz, who became her significant other for a while. And one of the singles was Be My Baby. Later down the road, she started her career in the cinema. She played with Jeanne Moreau, Jean Reno, Alain Delon, Jean-Paul Belmondo, and many others, and moved on. Again, she won't stay put because she's so talented. She was the icon in 2005 of Chanel, the new Mademoiselle handbag, and was worked with Miu Miu in 2008. She modeled for Miu Miu. More recently, Vanessa Paradis has been with famous actor Johnny Depp, had two kids with him, Lita Rose and Jack. And more recently, she's been more involved into recording albums in 2010, still working for Chanel with a new lipstick, Rouge Coco. And now, since 2016, she has been co-starring in Yoga Hosers with her daughter, Lily Rose. And who's also an actress and model. And has been also, since 2016, been dating Samuel Benchetrit. Mm-hmm. And they actually got married last year. Yeah. Yep. And who directed her fifth film, Dog. And the Baco is La Boucle, and became a member of the competition jury of the 2016 Cannes Film Festival up to this year, where she is the president of the Deauville American Film Festival. And she also collaborated with a lot of other artists, like M. Florent Pagny, she dated Florent Pagny. Actually, M toured with her, six, 7 years ago, maybe even more. They worked together on the soundtrack to Un Monstre à Paris, which is an outstanding animated film, a French animated film. The song La Scène from that film was very popular and still is. And she also collaborated with Benjamin Biolay. Yeah, I didn't know that. Yeah, and they were together for... In 2013. Contre ses It was Vanessa Paradis with Joe Le Taxi, Tandem, written by Serge Gainsbourg, and La Plage, which is from her album Les Sources, her last album. And now we're going to talk about the events. The first event I'm going to talk about is going to be Wednesday the 9th between 7 and 8 p.m. And it's Les Navigateurs de la Littérature Book Club. It's hosted by the Alliance Française. And you can get more information at afmsp.org. The book that's going to be discussed is Les Démons de Jérôme Bosch by Alexandra Strauss. Then, on Saturday, September 12, from noon to 3 p.m., there's going to be the fall open house for the Alliance Française. So that's going to occur at the Alliance Française itself. If you want more information, you can go to afmsp.org. And there's going to be the opportunity to meet with the teachers and talk. But there's going to be also crepe. So take advantage of that. It's going to occur in the Alliance parking lot. And social distance will need to be respected and mask will be required. And as usual, mspfilm.org and theparkwaytheater.com and theriverviewtheater.com have some virtual cinema for you. So feel free to check them out. There's a number of films in French. I posted on Facebook, I think, 3 posts, one for each of the theaters, and showing, you know, which French movie we're playing. So it might not be completely up to date, but most of the movies are still there. Et voilà, now back to the music. Now we're going to listen to Christophe. One of his most famous songs is Aline, which is a woman he's in love with. Then another song called Succès Fou, a terrific success, especially with women. And then Señorita. J'avais dessiné sur le sable son doux visage qui me souriait. Puis il a plu sur cette plage dans cet orage. Elle a disparu et j'ai crié, crié, Aline, pour qu'elle revienne. Et j'ai pleuré, pleuré, oh j'avais trop de peine. Je me suis assis auprès de son âme, mais la belle dame s'était enfui. Je l'ai cherché sans plus y croire et sans un espoir pour me guider. Et j'ai crié, crié, Aline, pour qu'elle revienne. Je n'ai gardé que ce doux visage comme une épave sur le sable mouillé. Et j'ai crié, crié, Aline, pour qu'elle revienne. Et j'ai pleuré, pleuré, oh jamais de peine. Et j'ai crié, crié, Aline, pour qu'elle revienne. Et j'ai pleuré, pleuré, oh jamais trop de peine. Et j'ai crié, crié, Aline, pour qu'elle revienne.

prénomme Jean Solaire, 36 ans, cœur sédentaire depuis 10 ans, un trait d'union, deux enfants, dessous mes faux airs, j'en vois plus comme avant, je l'avoue, j'ai plus le temps ni les genoux, mais depuis 1m3 rubis, sont en week-end, te l'ai-je dit, en solitude ennemie, je n'ai qu'un plan, le voici, c'est Gito, torse au clair, funambule de l'ordinaire, je dribble la nuit comme le ferait Messi. Solitaire, les zéros c'est je les jette par terre. Mais dans son piscon, s'en faut d'être précis. Je décline sans mes amours. Toute responsabilité, si, si, je décline sans mes amours. Ce petit coup débordeur, team calvitie. 15h enfin, je me veille, mal de mer. Dans les terres de la veille, mon lavabo prend de beau. Je dis ça, je dis rien, je pense au mien soudain. Mince alors, sentiment sans vue d'être un peu mort. Je n'y fais plus pour personne, mais soudain mon mobile sonne. Un collègue à l'agonie, ok, un shot et au lit. Genre Gito, torse au clair, funambule de l'ordinaire. Je dribble la nuit comme le fait Messi. Les zéros si je les jette par terre. Mais dans son puisqu'on s'en faut d'être précis. Je décline sans mes amours. Toute responsabilité, si si. Je décline sans mes amours. Ce petit côté border team calvitie. On est dimanche déjà. Stratégique, j'anticipe, récure, nettoie, vieux reste de pizza. Cette fois-ci, tu ne me trahiras pas. Et elle me tarde imminent, le retour de madame et des enfants. Sans quoi, la vie c'est rien de plus qu'un sous-appartement témoin. Sans quoi, la vie c'est rien de plus qu'un sous-appartement témoin. Torse clair, funambule de l'ordinaire. Je dribble la nuit comme le ferait Messi. Disco solitaire, les zéros si je les jette par terre. Mais dans son puisqu'on s'en faut d'être précis. Gito, torse clair, funambule de l'ordinaire. Je dribble la nuit comme le ferait Messi. Disco solitaire, les zéros si par terre, mais dans son puisqu'on s'en fout d'être précis. Je décline sans mes amours. Toute responsabilité, si, si, je décline sans mes amours. Ce petit côté border, tu ne calmes ici. Sans mes amours, je triple la nuit comme le frère Messi. Colle le béchamise, moitié sorti. Mais chantons puisqu'on s'en fout d'être précis. Ce petit côté border team calvitie. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la Une boulette, une bévue, une chute de vent des inconnus. Et hop, l'affaire est entendue. C'est le moment de solitude sont ma foi qu'une question d'habitude. Au début, les secondes se déguisent en heure. On a chaud et puis l'on suce cette île située qu'on apprécie le mieux. Et de l'art délicat de passer pour un con. L'art délicat de passer pour un con. Oh oh oh oh oh oh. Un vent emplit ça comme vous voudrez. Une claque ou que sais-je, un soufflet. Rien ne vaut si parenthèse enchantée. Quand d'emblée le ridicule vous embrasse, que dans l'assemblée un ange passe. C'est un moment de solitude sombre. Quoi qu'une question d'habitude, au début les secondes se déguisent en heure. On a chaud et puis l'on suce cette in situ qu'on apprécie le mieux. Et de l'art délicat de passer pour un con. Ouais. Oh, l'art délicat de passer pour un con. De acculé prise au pied de confondu. La la la la la la la, comme ça, aux yeux de tout ça diminue. Oh oh, c'est in situ qu'on apprécie le mieux. Oh, l'art délicat de passer pour un, l'art délicat de passer pour un. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Situ qu'on apprécie le mieux. Hey, hey, hey, l'art délicat de passer pour un con. Ouais. Oh, l'art délicat de passer pour un. It was Tété with Voter pour moi, then Discos solitaire, then ces grands moments de solitude ou l'art délicat de passer pour un con. Now we're gonna listen to Alain Chamfort with Manureva, then Michel Fugain with Attention Mesdames et Messieurs, Watch Out Ladies and Gentlemen, and the band Alice et Moi with T'aimerais que ce soit vrai. And it's a way to say you'd love that it would be true.

and Alice et moi with T'aimerais que ce soit vrai. Wearing a mask, it's not just about protecting yourself. It's about protecting the ones around you, your loved ones, your neighbors, your community. Yes, it can be a little uncomfortable. And yes, it's a look we're not used to. But these are minor inconveniences that will have a major impact on overcoming COVID for the good of us all. So stay safe and mask up, Minnesota. Not just for you, for everyone around you. Brought to you by the state of Minnesota. Now we're going to listen to Luna Parker with Tes états d'âme, Eric. And it's a play on word because les états d'âme is the mood, like people's mood. And the person she's talking to, name is Eric. But if you put the two things together, it's Tes états d'Amérique, and it's the state of America. Then we're going to listen to Gaël Bonger with Juste une étincelle, Only a Spark, and Yann Tiersen with La Plage, The Beach. Semaine passe et monotone. Une visite, un coup de téléphone. Je n'étais pas vraiment malheureuse. Un jour moins bien